نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة والشرح للمنظومة الميمية للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. Donc nous continuons l'explication du poème Al-Mimiyya de Cheikh Hafiz Al-Hakami rahimahullah. وكنا قد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. Donc nous étions arrêtés au vers dans lequel l'auteur dit: la science est la meilleure vie qu'ils puissent avoir les serviteurs, tandis que les gens de l'ignorance sont morts, sont semblables à des morts à cause de leur ignorance. فيواصل الشيخ ويقول لا سمع لا عقل بلا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم منفيان فاعتصم. Donc le cheikh dit: la sam'a la aql بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم. يتحدث ويقول عن هؤلاء أهل الجهالة أنهم لا سمع لهم ولا عقل لهم ولا يبصرون ويكون كلهم في السعير في جهنم يعترفون بذنبهم. فهذه حال ومآل من قال عنهم في البيت الذي قبله أهل الجهالة أموات بجهلهم. Donc, dans ce vers, l'auteur parle des gens de l'ignorance qu'il a cité dans le verset précédent, lorsqu'il dit sur eux que les gens de l'ignorance sont semblables à des morts à cause de leur ignorance. Et dans ce vers, il nous dit qu'ils n'ont pas d'ouïe avec laquelle ils entendent, et ils n'ont pas de raison avec laquelle ils comprennent, et ils n'ont pas de vue avec laquelle ils peuvent voir correctement les choses. وَسَوْفَ يَعْتَرِفُونَ بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا دَخَلُوا نَارَ جَهَنَّمَ. Et ils reconnaîtront cela, ils reconnaîtront leur ignorance au jour de la résurrection lorsqu'ils rentreront en enfer. كما في سورة الملك لما قال سبحانه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Donc dans سورة الملك Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des mécréants qui n'apprennent pas et qui n'acceptent pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur eux: et ils diront, si seulement nous entendions ou nous raisonnions, nous ne ferions pas partie des gens de l'enfer. Ils reconnaîtront alors leur péché. Malheur donc aux gens de l'enfer. فَهَوْلَا الَّذِينَ جَهِلُوا دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ أُسُولًا وَفُرُوعًا. Donc ça c'est l'état de ceux qui n'ont pas cru et qui n'ont pas appris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni les bases, ni les branches. فَلَمْ يَتَعَلَّمُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Donc ils n'ont pas appris la signification et ce qu'implique l'attestation de foi, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ et Muhammadun est le messager d'Allah. فقال الشيخ: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة. Donc l'ignorance est la source de l'égarement de toutes les créatures. L'ignorance est la source de l'égarement de toutes les créatures. وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. Tout comme l'ignorance est la source de leur malheur et la source de leur injustice. وهذا أمر واضح بين. هذا أمر واضح بين. فأصل كل ضلال وجد في كل إنسان هو الجهل بالله وبدينه ووعيده وعقابه والجنة والنار. Donc, ceci est clair et évident que ce qui est à la source de l'égarement de l'être humain n'est rien d'autre que son ignorance. Le fait qu'il ignore Allah subhanahu wa ta'ala et il ignore sa religion, et il ignore les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses menaces, il ignore le paradis et l'enfer. من جهل هذه الأمور فهو ضال. Quiconque ignore ces choses-là, quiconque ignore Allah, sa religion, le paradis et l'enfer, etc., cette personne-là, sans aucun doute, sera égarée. لا يدري أين يذهب ولما خلق. Car il ignore où il va aller et pourquoi il a été créé. وكذلك في البيت الذي بعده قال أو قبل ذلك الله سبحانه وتعالى قال في بيان أن أصل ضلال بني آدم وشقوتهم بسبب أمرين. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous explique que la source de l'égarement de toutes les créatures et la cause de leur malheur revient à deux choses. Al-jahlu wa al-zulm. La cause de l'égarement et du malheur de tout être humain revient à ces deux choses. Al-jahlu wa al-zulm. L'ignorance et l'injustice. فقد قال سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, nous avons certes présenté aux cieux, à la terre et aux montagnes, nous leur avons présenté l'obligation de respecter les ordres d'Allah, la responsabilité, c'est-à-dire l'obligation de respecter les ordres d'Allah et de s'écarter de ses interdits. Mais les cieux, la terre et les montagnes ont refusé cela, ont refusé d'accepter cette responsabilité. Ils ont refusé d'avoir cette responsabilité de devoir choisir entre faire le bien, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et lui désobéir. Ils ont préféré rester soumis à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'ils ne puissent avoir le choix de lui désobéir. Car ils ont eu peur de ne pas pouvoir supporter cette responsabilité. Donc dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Donc nous avons certes présenté la responsabilité aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils ont refusé de le supporter. Ils ont refusé de la supporter et ils ont eu peur de cela. Wa hamalaha al-insan. Alors que l'être humain a accepté de supporter cette responsabilité. Wa hamalaha al-insan. إنه كان ظلوما جهولا. Et certes, l'être humain est injuste et ignorant. ظلوما لأنه يظلم نفسه بارتكاب المعاصي وترك الأوامر. Il est injuste, c'est-à-dire qu'il est injuste envers lui-même, de telle sorte qu'il commet des péchés et n'applique pas ce qui lui est demandé. وجهولا لأنه كثيرا ما يجهل حق الله عز وجل. Il est ignorant, car il ne connaît pas réellement le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur lui. فهذا أصل الإنسان. الأصل في الإنسان الظلم والجهل. Donc, l'être humain à l'origine est injuste et ignorant. فيحتاج في حمل هذه الأمانة العظيمة إلى ما يضاد هذا الجهل وإلى ما يضاد هذا الظلم. Et donc, pour pouvoir supporter cette responsabilité qui lui a été remise, il a besoin donc de ce qui va contrer son ignorance et ce qui va contrer son injustice. وَالَّذِي يُضَادُ الْجَهَلْ مَا هُوَ. Et qu'est-ce qui contredit l'ignorance? هو العلم. ضد الجهل العلم. Le contraire de l'ignorance est la connaissance. وضد الظلم العدل. Et le contraire de l'injustice, c'est la justice. فيحتاج الإنسان في رفع هذا الظلم أو في رفع هذا الجهل عن نفسه إلى علم. وكلما ازداد علما كلما رفع عنه الجهل. Donc, l'être humain va donc avoir besoin de connaissance, d'apprendre, afin d'enlever son ignorance. Et plus il va avancer dans la science, et moins il sera ignorant. والعلم علم مجمل وعلم مفصل. Et la science, la connaissance, est de deux types. Une science générale, une science, une connaissance générale, et une science et une connaissance détaillée, précise. فالعلم المجمل بأن يعلم الإنسان أن الله خالق أن الله خالقه وأن عليه أن يعبده فيلتزم طاعة الله عز وجل. Donc, la connaissance générale, c'est le fait que l'être humain sache qu'Allah est son créateur et qu'il doit l'adorer et qu'il doit se soumettre à son obéissance. يعلم في الإجمال أنه عليه أن يطيع الله. Il faut qu'il sache et qu'il connaisse d'un point de vue général qu'il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala et lui obéir. والعلم المفصل هو علم الأحكام وعلم تفاصيل الدين. Et quant à la connaissance précise et détaillée, c'est la connaissance des règles religieuses et de la religion en détail. De chaque chose de la religion, il va l'apprendre en détail. وكلما ازداد علما كلما ارتفع عنه هذا الجهل. Et plus il va, donc, comme nous avons dit, plus il va augmenter en science, et plus il sortira de son ignorance. وكذلك الظلم ضده العدل. Et de la même façon, le contraire de l'injustice qui est la justice. فالعدل عدل عام وعدل وعدل مجمل وعدل مفصل. Donc de la même façon, pour la justice, il y a une justice générale et une justice précise et détaillée. فالعدل العام بأن يلتزم الإنسان في نفسه القيام بحق الله عز وجل وحق عباده. Donc, la justice générale consiste à ce que l'être humain obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala بالعمل, en agissant بالعمل امتثالا لأوامر الله وتاركا لنواهيه. Donc, que la personne, au fond de lui-même, en lui-même, afwan, que la personne en lui-même applique les ordres d'Allah et s'écarte des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il donne aux êtres humains, aux autres créatures, le droit qu'ils ont sur lui. Le droit qu'elles ont sur lui. والعدل المفصل بأن يعلم في كل بأن يعلم في كل مسألة وكل حالة تمر به كيف يكون مطيعا لله عز وجل فيها فيلتزم العدل فيها. La justice détaillée, c'est qu'il sache pour chaque situation ce qu'il doit faire et qu'il l'applique, qu'il fasse ce qui est droit, qu'il fasse ce qui est bon, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans chaque situation. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى علم إلى علم مفصل. Et ceci, il n'y a pas de doute que ça demande une connaissance détaillée de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. حتى تعلم في كل ما يمر بك من الحوادث ما يجب عليك فيه. Et ceci afin que pour chaque chose qui t'arrive, que tu saches qu'est-ce que tu dois faire conformément aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. Donc il dit, puis la science est la source de la guidée des êtres humains et la source de leur bonheur. Et c'est ainsi que les gens doués d'intelligence, doués de connaissances, ne s'égarent pas et ne sont point attristés. عليكم السلام ورحمة الله. كما قال سبحانه قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et quiconque suit ma guidée, alors il ne s'égarera point et ne sera point attristé. فرفع عن أهل الهدى الضلال والشقاء. Donc, il a réfuté que, Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté dans ce verset que les gens de la guidée tombent dans l'égarement ou dans le malheur. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية. Ibn al-Qayyim رحمه الله a dit sur ce verset فنفى عن متبع هداه أمرين الضلال والشقاء. Allah a donc réfuté sur celui qui suit sa guidée, a réfuté qu'il tombe dans deux choses qui sont l'égarement et le malheur. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Ibn Abbas radiallahu anhuma disait, Allah s'est porté garant pour celui qui va lire le Coran, c'est-à-dire qui va le lire et qui va l'apprendre et le comprendre. Donc Allah s'est porté garant pour celui qui va lire le Coran et l'appliquer, qu'il ne s'égarera point sur terre et qu'il ne sera point parmi les malheureux dans l'au-delà. Puis il récita ce verset, Abdullah ibn Abbas récita ce verset, lorsqu'un guide viendra de ma part, alors quiconque suivra mon guide ne sera point égaré et point attristé. قال والآية نفت مسمى الضلال والشقاء مسمى الضلال والشقاء عن متبع الهدى مطلقا. Donc Ibn al-Qayyim poursuit après avoir cité tout cela, il dit donc ce verset, comme nous avons dit, réfute l'égarement et le malheur sur celui qui aura suivi la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. فاقتضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى ولا يضل في الآخرة ولا يشقى فيها. Donc ce verset implique que celui qui va suivre la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'égarera pas sur terre et il ne s'égarera pas dans l'au-delà. Afwan. Naam. Il ne s'égarera point sur terre et il ne s'égarera point dans l'au-delà. Et de la même façon, il ne sera point malheureux sur terre et il ne sera pas malheureux dans l'au-delà. وذلك لعل أحدكم يسأل لعل أحدكم يسأل كيف الضلال في الآخرة. Comment il va, peut-être que l'un d'entre vous se pose la question, comment ça il ne s'égarera pas dans l'au-delà? معنى الآخرة دار جزاء وليس دار عمل. Alors que l'au-delà est une demeure dans laquelle les comptes seront faits, les jugements seront faits, il n'y aura pas d'acte, tu ne pourras pas faire d'acte. Donc comment la personne va-t-elle s'égarer dans l'au-delà? قال أهل العلم, les savants expliquent cela en disant أن الضلال في الآخرة بأن لا يوفقه الله عز وجل للطريق الموصل إلى الجنة. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà ne va pas lui faciliter pour qu'il suive la route pour entrer au paradis. وإنما يصرفه إلى نار جهنم. Mais il va l'emmener en enfer. فهذا هو الضلال في الآخرة. Donc ceci est l'égarement dans l'au-delà. نعم. فإن المراتب أربعة. هدى وشقاوة في الدنيا وهدى وشقاوة في الآخرة. لكن ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في كل دار أظهر مرتبتها أو مرتبتيها. Donc nous avons 4 degrés. Nous avons l'égarement sur terre et l'égarement dans l'au-delà, et nous avons le malheur sur terre et le malheur dans l'au-delà. Mais Ibn Abbas radiallahu anhu, lorsqu'il a dit que celui qui lit le Coran et qui l'applique, il ne s'égarera pas sur terre et ne sera point triste dans l'au-delà, en fait il a cité ce qui était le plus apparent pour chacune des deux demeures. La demeure de ce bas monde, ce qui est plus évident au commun des mortels, c'est qu'il y a dedans l'égarement pour celui qui ne suit pas la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est le plus évident dans l'au-delà, c'est que celui qui n'aura pas suivi la guidée fera partie des malheureux. إذن يقول الناظم في هذا البيت أن من اتبع الهدى وهم ذوو العلوم النافعة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم La yadilluna wa la yashqawna. Donc, l'auteur dit dans ce vers, que celui donc qui va suivre sa guidée, et ce sont les gens doués d'intelligence qui ont appris les sciences bénéfiques tirées du Coran et de la Sunna, ces gens-là ne s'égareront point et ne seront point parmi les malheureux. ثم قال والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. Puis il dit, et la peur et la tristesse et la longue tristesse viennent à cause de l'ignorance, alors que les gens de science sont préservés de cela. فاعتصمي, alors accroche-toi à la science. ثم قال العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم. Donc ensuite il dit, la science par Allah, il jure par Allah subhanahu wa ta'ala que la science est l'héritage des prophètes. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Donc comme le prophète sallam a dit, certes les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar et ni dirham. Mais ils ont laissé en héritage la science. Donc quiconque l'apprend, c'est-à-dire la science, aura certes obtenu une grande part dans la part de l'héritage des prophètes. وقد قال ابن حبان رضي الله رحمه الله قال ابن حبان رحمه الله تعالى في هذا الحديث ابن حبان le savant ابن حبان disait sur ce hadith, il disait في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. Donc Ibn Hibban disait que dans ce hadith il y a une explication claire que les savants qui ont du mérite ce sont ceux que les savants qui ont le mérite qui a été cité dans ce hadith ne sont rien d'autre que les savants qui connaissent la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas les autres sciences. Ala tara hu yaqul al ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarrithu illa al ilm wa ilmu nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam sunnatuhu. Donc il dit, Ibn Hibban continue, il dit: ne vois-tu donc pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit les savants sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont rien laissé en héritage si ce n'est quoi? La science. Et la science de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se trouve où? Dans sa sunna. La science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se trouve dans sa sunna, dans ses hadiths. فَمَنْ تَعَرَّ عَنْ مَعْرِفَتِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ. Donc quiconque n'apprend pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'apprend pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cette personne-là ne fait pas partie des héritiers des prophètes qui sont cités dans ce hadith. فالعلماء الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هم علماء أهل السنة علماء أهل الحديث. Donc les savants dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges, ce sont les savants de la sunna. Les savants du hadith. ولا يعني هذا أنهم لابد أن يكون محدثا فقط. لكن حتى الفقيه وحتى المفسر كلهم يجب عليهم أن يتعلموا وأن يستمدوا علمهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ceci ne veut pas dire que les seuls vrais savants qui ont du mérite sont ceux qui sont des muhaddith, qui sont des savants de la science du hadith. Il n'y a pas qu'eux. Certes, eux, ils viennent en première position, mais également tous les autres savants, qui sont les savants du fiqh, que ce soit les savants du fiqh ou les savants, les exégètes du Coran, ceux qui font l'interprétation du Coran, ou d'autres sciences, tous doivent tirer leur science du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال الناظم لا ميراث يشبهه. Il n'y a pas un héritage qui peut ressembler et qui peut se rapprocher de l'héritage des prophètes. فإن ميراث الأنبياء أفضل ما ورثه الإنسان. Donc l'héritage des prophètes, l'héritage des prophètes est la meilleure chose que la personne puisse hériter. Et comme nous avons dit, l'héritage des prophètes n'est rien d'autre que la science. لماذا كان ميراث الأنبياء أفضل ما ورثه الإنسان؟ Pourquoi la science des prophètes est-elle ce qu'il y a de meilleur et que aucun autre héritage ne peut qu'aucun autre héritage ne peut rivaliser avec l'héritage des prophètes? Pourquoi? لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. Pourquoi? Car l'héritage des prophètes, c'est un héritage véridique, c'est-à-dire qui contient la vérité, et qui est continu, qui ne s'arrête jamais, qui ne se termine jamais. Al-ilm, la yantahi. La science ne se termine jamais. Ila an yaritha Allahu al-arda wa man 'alayha. Donc la science continuera d'exister, la science des prophètes continuera d'exister autant que la terre existera, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruise la terre et ceux qui sont sur la terre. Donc l'héritage des prophètes, comme nous avons dit, c'est un héritage véridique qui contient la vérité, un héritage perpétuel qui se continue dans le temps jusqu'à la fin des temps, tandis que les autres héritages, l'héritage des biens, eh bien, au bout d'un moment, cet argent, ces biens, ils finissent par disparaître. Tu vas hériter 100 000 francs. Afwan, dans ma tête, je suis encore à l'époque des francs, parce que je ne me suis pas trop habitué aux euros. يعني سافرت من يعني من أوروبا يعني يعني من فرنسا قبل أن يعني أن تفرض اليوروات. Donc يعني j'ai quitté la France avant que l'euro soit obligatoire et ce soit la monnaie courante. Donc j'ai pas trop de repères par rapport aux euros, mais par rapport aux francs j'ai des repères. Donc excusez-moi. Naam. Un décalage. Et naam. Enfin, tu vas hériter 100 000 francs. Au bout de quelques années, 5 sanawat, 10 sanawat, 20 sana, tantahi hadil, 100 alf. Au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tous ces euros, tous ces francs, ces 100 000 francs vont disparaître. Tu les auras dépensés. Tu vas hériter d'une maison. Cette maison va tomber en ruine, petit à petit. فَلِذَلِكَ كَانَ مِيرَاثُ الْأَنْبِيَا أَفْضَلْ مِمَّا سِوَاهُ مِمَّا يَرِثُهُ النَّاسِ. Et c'est pour cela que l'héritage des prophètes est donc la meilleure chose qu'une personne puisse hériter. Comme nous avons dit, car c'est un héritage véridique qui contient la vérité et qui est perpétuel. وَمِنْهُ إِرْثُ سُلَيْمَانَ النُّبُوَّةِ. min abihi Daoud. Et parmi cela, ce qui prouve cela, c'est l'héritage que Suleyman, le prophète Suleyman alayhi salam, a hérité de son père Daoud. Quel est cet héritage que Suleyman a hérité de son père? Al-ilm wa an-nubuwwa wa al-hikma. Qabla kulli shay. Avant toute chose, ce qu'il a hérité de son père, c'est la prophétie. Car il a été prophète comme son père. Il a hérité également de son père la science. Il a hérité de son père la sagesse. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف موالي من ورائهمي. Et de la même façon, Zakaria alayhi salam a hérité de son père Yahya alayhi salam. Il a hérité de lui la prophétie, car Yahya alayhi salam, لأن يحيى alayhi salam لأن يحيى عليه السلام لما قرب الأجل ورأى أنه ليس له في ذريته ولد ذكر. Donc يحيى عليه السلام lorsqu'il a approché de la mort, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'héritier parmi, il n'avait pas d'héritier mâle. Il n'avait pas d'héritier, il n'avait pas de garçon pour pouvoir lui hériter et lui succéder. Fada Allah Azza wa Jal. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un fils qui pourra lui hériter. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé comme fils Zakariya, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné la science et l'a choisi comme prophète. Naam. Eh naam, afwan, naam, sahih. Sahih. Yani, afwan, je me suis trompé. Yani, c'est Yahya qui était le fils de Zakariya. C'est Zakaria, alayhi salam, qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il approcha de la mort. Il invoqua Yahya, il invoqua Allah azza wa jal de lui accorder un fils pour lui succéder. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé Yahya et a fait de Yahya un savant et un prophète comme son père. Thumma qala an-nazim rahimahullah. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقوم وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم فسلطة اليد بالأبدان قاصرة ذات تكون بالعدل أو بالظلم والغشم وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. Donc il dit, la science est la balance sur laquelle est basée la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est sur la science que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala tient. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala tient sur la science. Et sans la science, il ne peut pas y avoir de religion. Et à chaque fois que tu trouveras le terme as-sultan, c'est-à-dire la force, la puissance, la force, à chaque fois que la force est citée dans les textes religieux, eh bien ce qui est voulu par là, nous dit l'auteur, c'est la science, la force de la science, non pas la force des mains, qui revient au gouverneur. Wal ayatu allati fiha dhikru as-sultan. بمعنى العلم سبعة وعشرون آية. Donc dans le Coran il y a 27 versets Il y a 27 versets dans lesquels on va retrouver le terme as-sultan, qu'on va retrouver le terme la force, dont la signification dans ces versets-là sera la science. وسمي العلم سلطانا لأن صاحبه يتسلط به على القلوب وإن أنكرته. Et la science a été appelée force, car par cette science, l'homme peut convaincre les cœurs. L'homme peut convaincre les cœurs et les soumettre à la vérité, même si ces cœurs-là ne veulent pas l'accepter. Puis il explique la différence, le cheikh, l'auteur explique la différence entre ces deux forces, la force des mains et la force de la science. Donc il dit فَسُلْتَةُ الْيَدِ بِالْأَبْدَانِ قَاصِرَةٌ تَكُونُ بِالْعَدْلِ أَوْ بِالظُّلْمِ وَالْغَشَمِ. Donc, la force des mains ne peut toucher que les corps. Le gouverneur ne peut imposer aux gens ce qu'il peut imposer aux gens, ça ne peut être que sur leur corps, sur les actes qu'ils font. Il ne peut pas leur imposer des choses dans leur croyance. Naam ? Ah oulala. Naam. Un gouverneur qui va imposer des lois, qui va imposer des choses à son peuple, il ne pourra leur imposer que des choses apparentes. Amma ma fil qulub, fala sabila lahu ilayhi. Quant au cœur, il n'a pas de, avec son pouvoir, il n'a pas le pouvoir de quoi? De pouvoir leur imposer des croyances ou des idéologies. Et ce gouverneur, nous dit le shir, il se peut qu'il impose la justice et il se peut qu'il impose l'injustice. قد يلزم الناس بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد يلزم الناس بمعصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الحاكم. Donc ce gouverneur, il peut imposer aux gens la justice, c'est-à-dire l'obéissance à Allah et à son messager, tout comme il se peut qu'un autre gouverneur va imposer aux gens la désobéissance à Allah et la désobéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun sera jugé pour ses actes. Quant à la force, et au pouvoir de la science, le shir nous dit وَسُلْطَةُ الْعِلْمِ تَنْقَادُ الْقُلُوبُ لَهَا إِلَى الْهُدَى وَإِلَى مَرْضَاتِ رَبِّهِمِ. Il nous dit, tandis que la force de la science et la puissance et le pouvoir de la science, eh bien les cœurs s'y soumettent. De même, les cœurs se soumettent à cette puissance, car c'est la vérité qu'ils reconnaissent. Donc la puissance de la science, les cœurs s'y soumettent, afin d'être bien guidés et d'aller vers la satisfaction de leur Seigneur. Donc voyez bien la différence entre les deux forces et les deux pouvoirs. Le pouvoir des mains, la force des mains et la force de la science. La force des mains ne peut toucher que les corps, alors que la force de la science touche les cœurs et les corps. ثم يقول الناظم رحمه الله ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة للمعتصم. Puis il dit et la religion et ce bas monde partiront lorsque partira le ilm, lorsque partira la science, dans laquelle il y a un salut pour celui qui s'y accroche. إذا ذهب العلم فإن الدين والدنيا يذهبان بذهابه. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. Donc, lorsque la science partira, eh bien, c'est toute la religion et le bas monde qui partira également. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté dans les deux recueils authentiques de Bukhari et de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, parmi les signes de la fin des temps, que la science sera retirée. وجاء فيهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. Et c'est pour cela également qu'il est venu également dans les deux recueils authentiques de Bukhari et de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, avant la fin du monde vont arriver des jours dans lesquels l'ignorance va se propager et la science sera retirée et il y aura une multiplication de meurtres. ثم قد يسأل سائل كيف يذهب العلم. Puis quelqu'un peut se demander: comment la science va-t-elle être retirée? فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا السؤال. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit en réponse à cette question: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit en réponse à cette question: comment la science donc va-t-elle être retirée? Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: certes, Allah ne retire pas la science en l'arrachant des cœurs des hommes une fois qu'ils l'ont apprise. Mais Allah subhanahu wa ta'ala prend la science en prenant les savants, en faisant mourir les savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Alors à ce moment-là, les gens prendront à leur tête des ignorants qu'ils questionneront, et ces ignorants feront des fatwas sans aucune science. Et par là, ils s'égareront eux-mêmes et ils égareront les gens. وما أكثر الجهال الضالين المضلين في هذا الزمان. Et combien aujourd'hui avons-nous de gens ignorants qui font des fatwas et qui s'égarent et qui égarent les gens. وكذلك ورد في الأحاديث أنه في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف وصدور الرجال فلا تبقى منه آية على وجه الأرض. Et également, et ceci sera vraiment vers la, vraiment à la fin des temps, lorsqu'il ne restera plus beaucoup de temps à cette vie, il a été rapporté dans des hadiths que le Coran sera retiré des mushaf. Il n'y aura plus, les gens viendront pour ouvrir le mushaf, ils ne trouveront plus le Coran écrit dedans. Et ceux qui auront mémorisé le Coran l'oublieront, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun verset sur la terre. Il ne restera plus de verset coranique sur la terre. Et ceci, comme nous avons dit, ce sera vraiment vers la fin des temps, lorsqu'il ne restera pratiquement plus beaucoup de temps à cette terre. حينئذ سيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناس من المسلمين ما يعرفون من لا يعرفون من الإسلام إلا كلمات لا إله إلا الله. Et c'est à cette époque-là que les gens ne connaîtront de l'islam que la parole La ilaha illallah. Kalimatun adrakna aba'ana alayha. Ils diront La ilaha illallah, c'est tout ce que nous connaissons et c'est ce que nous avons. C'est ce sur quoi nous avons trouvé nos parents. Falmuhim, anna l'insan yahris ala talab al-ilm. Donc, ce qui compte, c'est que la personne fasse des efforts pour apprendre la science avant que cette science ne soit retirée de la terre. Imma bimautil ulama, soit par la mort des savants, wa imma biraf'illahi al-Qur'an, ou soit par le fait qu'Allah va retirer le Qur'an de la terre. Wa nara kathir min al-ulama, wa qad faqadna kathiran min al-ulama. Et nous avons perdu beaucoup de savants depuis ces dernières années. A'immatu ad-dunya alladhina mala'u al-ard 'ilman wa imanan wa da'watan wa nushan. Nous avons perdu beaucoup de savants qui étaient les imams de la terre. Les imams de la terre qui ont rempli la terre par leur science et par la foi et par la da'wa et par le conseil, le bon conseil. Ils ont conseillé la communauté. Wa minhum Ibn Baz, Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, wa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ مقبل بن هادي الوادعي وغيرهم كثير. لكن هؤلاء هم الذين ملأوا الدنيا. Donc je disais que nous avons perdu depuis ces dernières années beaucoup de savants, et parmi eux Cheikh Ben Baz rahimahullah et Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Mokbil, et bien beaucoup d'autres savants. Mais ceux-là, ces quatre que j'ai cités, ce sont ceux qui ont rempli toute la terre avec leur science. فَانْتَشَرَ عِلْمُهُمْ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كُلِّهَا لَمْ يَبْقَ مَكَانٌ إِلَّا وَتَجِدْ فِيهِ مَنْ يَذْكُرُهُمْ بِالْخَيْرِ. Il n'y a pas un endroit où tu vas aller sur terre sans que tu vas trouver des gens qui parlent en bien de ces savants-là. فكانوا كالجهات الأربع الشمال والجنوب والشرق والغرب. Ils étaient semblables aux quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. هؤلاء الأربعة, ces quatre savants étaient semblables aux quatre points cardinaux. الذين مسكوا الدنيا ونصحوا الناس فكانت الأحوال على خير ما يرام. Ils ont tenu la terre et propager la justice afin que les gens ne s'égarent pas. كما أن الناس يهتدون بهذه الجهات الأربع اهتدى الناس بهؤلاء العلماء الأربع. De la même façon que les gens se guident par les quatre points cardinaux, de la même façon les gens se guidaient par ces savants-là. Et à leur époque, la situation était beaucoup meilleur que maintenant. كثرت الفتن الآن ولم يبق من أهل الحق إلا نزر يسير فلنتمسك بهؤلاء ونلزم أقوالهم قبل أن يقبضهم الله عز وجل كما قبض من سبق ذكرهم. Donc nous devons, je disais que après la mort de ces quatre-là, beaucoup de problèmes sont apparus dans la communauté. Et les musulmans ont perdu leurs repères, Beaucoup de musulmans ont perdu leur repère. Il ne reste, parmi les gens de la vérité, il ne reste qu'une infime partie de savants parmi les gens de la vérité. Donc nous devons nous accrocher à ces savants-là et suivre leurs enseignements, écouter leurs paroles, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne prenne leur âme, comme il a pris celle de ceux que nous avons cités précédemment. ومن هؤلاء العلماء الموجودين الآن هؤلاء العلماء الكبار منهم المفتي عبد العزيز آل الشيخ ومنهم الشيخ صالح الفوزان ومنهم الشيخ صالح اللحيدان ومنهم الشيخ زيد المدخلي ومنهم الشيخ ربيع المدخلي ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم كثير أو عفوا غيرهم قليل. Donc je disais, et parmi donc ces savants qui restent et auxquels nous devons nous accrocher, le mufti d'Arabie Saoudite Abdelaziz Ali Sheikh et le Sheikh Saleh Al Fawzan et Sheikh Zayd Al Madkhali et Sheikh Saleh Al Luhaydan et Sheikh Rabi' al-Madkhali, et Sheikh Abdel Mohsen al-Abbad, et d'autres encore. Mais ils sont peu. فَلْنَلْزَمْ هَاُولَا وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ